rien à y voir, tout est dessiné dans ma mémoire. J'emprunte le sentier que mes ancêtres ont tracé, car mon corps sans défense est fatigué. Je prendrai la porte qui m'est ouverte.